إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans la lecture du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Adabul Mashi ila Salat. Et c'est un livre qui explique les règles de la salat, de la zakat et du jeûne. Et on est arrivé donc au cours numéro 4 dans l'explication du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Donc, là où on est arrêté la dernière fois, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: وَيُمْنَةَ كُلِّ صَفٍ أَفْضَلْ وَيُمْنَةُ كُلِّ صَفٍ أَفْضَلْ. C'est-à-dire, le côté droit de toute rangée dans les rangs, hein, de tout rang est meilleur. Le côté droit de tout rang est meilleur. C'est-à-dire, dans les rangs dans la mosquée, le côté droit est meilleur. Donc le Cheikh Abdul Muhsin, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit: يدل لذلك حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. الحديث. ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. الحديث. وقد تقدم هذا الحديث. وقال الحافظ في شرحه في الفتح: واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. Donc, qu'est-ce que signifie qu'est-ce qu'on a lu maintenant? Ça signifie que parmi les choses qui indiquent et qui prouvent que le côté droit de chaque rang dans la mosquée est meilleur que le côté gauche, il y a le hadith qui est rapporté selon Al-Bara ibn Azib dans Sahih Muslim. Et ce hadith-là, il dit. Donc c'est Bara ibn Azib qui dit: nous faisions la prière derrière le prophète, derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque nous étions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la salat, nous aimions être à sa droite. Nous aimions être à sa droite. Donc ça, c'est le hadith. Et il dit également, parmi les choses qui prouvent que la droite est meilleure, il y a le hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite ou faire tout ce qu'il faisait par la droite. Hein? Et c'est-à-dire, par exemple, s'il portait un vêtement, il commençait toujours par la droite. S'il allait mettre, par exemple, ses sandales, il commençait par la droite en premier. S'il peignait ses cheveux, il peignait le côté droit en premier. Et ainsi de suite. Et donc, c'est pour montrer qu'il préférait la droite. Et donc, ça s'applique également, on peut l'expliquer, ou disons l'appliquer également à la prière et au rein, et le fait d'être à la droite du rein. Al-Hafidh Ibn Hajar, il explique dans son explication de Sahih al-Bukhari, qui s'intitule Fath al-Bari, dans le volume 1 à la page 270, qu'on a mentionné ce hadith-là, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, comme preuve que de prier à la droite de l'imam et à la droite de la mosquée, c'est quelque chose qui est, disons, recommandé. C'est quelque chose qui est aimé et recommandé. Ensuite, il dit, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il dit, قوله وقرب الأفضل من الإمام وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. Ça, c'est quelque chose qui est recommandé, que les meilleurs soient plus près de l'imam. Les meilleurs d'entre les musulmans, les plus savants, les plus sages, ceux qui ont plus de connaissances, plus de mérite, c'est mieux qu'ils soient derrière l'imam et plus près de l'imam. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les gens qui ont des qualités, qui ont du mérite et qui sont plus, qui sont raisonnables, qui ont de la connaissance, qu'ils soient derrière moi, qu'ils me suivent. Et il mentionne, Cheikh Abdul Muhsin, il explique ça. Il dit, هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي مسعود عن أبي مسعود وابن مسعود رضي الله عنهما وهو يدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام للفتح عليه إذا احتاج إلى فتح أو التقديم للإمامة عند الحاجة إلى ذلك. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh il dit que qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ici, que les meilleurs ou les gens qui sont les musulmans qui sont plus savants ou qui sont plus qui ont plus de connaissances de la religion, c'est mieux qu'ils soient derrière l'imam ou qu'ils soient plus près de l'imam. Et il mentionne le hadith qui dit, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit liyalini minkum ulul ahlam wa nuha. Il dit ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, hadith 972 et 973, et c'est rapporté selon Abu Mas'ud et Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Et il dit que ce hadith là indique et prouve que les hommes de science et de mérite doivent être derrière l'imam. Il doit suivre l'imam, être derrière l'imam dans les rangs. Et la raison de ça, c'est parce que si supposons que l'imam dans la prière il oublie un verset ou il se trompe dans un verset, eh bien étant donné que derrière lui il y a des hommes qui ont du ilm et qui connaissent le Coran et qui mémorisent bien et qui comprennent les règles de l'islam et de la salat et ainsi de suite, ils pourront corriger l'imam, ils pourront le corriger lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il oublie un verset ou quelque chose comme ça. Également, parmi les raisons qui fait que c'est bien que ce soit les hommes qui ont du mérite et de la science qui soient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que aussi il peut arriver que l'imam pendant la salat perde son wudu. Ça peut arriver des choses comme ça. Et donc dans des situations pareilles, la personne qui est derrière l'imam devra le remplacer et s'avancer pour diriger la salat. Ok, donc dans des cas comme ça, il faut que la personne qui s'avance pour compléter la salat ait de la connaissance. Il faut que la personne sache comment diriger la salat et ainsi de suite. Il faut qu'elle ait quand même de la science pour faire ça, pour savoir aussi si elle fait une erreur dans la prière, comment la réparer et ainsi de suite. Et aussi elle doit connaître le Coran et ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il est toujours mieux que ce soit les hommes de science et les gens qui ont de la connaissance ou plus de connaissance que les autres qui soient situés derrière l'imam. Et ça, j'ai vu ça dans certains pays musulmans, hein, et même on voit ça aussi à la Mecque et à Médine. Les gens qui sont derrière l'imam, en général, c'est des gens qui ont mémorisé le Coran au complet et qui vont être capables de corriger l'imam s'il se trompe ou des choses de ce genre. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Wa qawluhu wa khayru sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha » وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. C'est-à-dire que les meilleurs rangs dans la prière, lorsqu'on prie à la mosquée, les meilleurs rangs pour les hommes sont les premiers rangs. Et les pires rangs pour les hommes sont les derniers rangs. Tandis que pour la femme, c'est le contraire. Les meilleurs rangs pour la femme sont les derniers rangs et les pires sont les premiers. Donc ça c'est yani une parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en fait qui est basée sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Abdul Muhsin il explique ça maintenant. Il dit « هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يدل على فضل الصف الأول ثم الذي يليه وعلى أن خير صفوف النساء آخرها وذلك فيما إذا صلينا مع الرجال. » Donc il dit le cheikh que ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih, le hadith 985. Et il est rapporté selon Abu Huraira, radiallahu anhu. Et il dit que ce hadith-là, il indique et il prouve que le premier rang, il est meilleur. D'être dans le premier rang, c'est meilleur que d'être dans le deuxième, ou dans le troisième, ou dans le quatrième. Puis, le deuxième rang, il est meilleur que le troisième. Puis le troisième rang est meilleur que le quatrième, et ainsi de suite. Puisqu'il dit ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ. Donc ça c'est la preuve que pour les hommes, plus tu es en avant, hein, eh bien, mieux c'est. Plus ta prière a de mérite, plus que tu as du mérite d'être dans ce rang-là. Il dit وعلى أن خير صفوف النساء آخرها. Donc c'est-à-dire que les meilleurs rangs des femmes, c'est les derniers rangs. Il dit ça, c'est lorsque la femme prie derrière les hommes. Hein? Lorsque les femmes prient derrière les hommes. Il dit لم يكن هناك فاصل بينهم. فإذا صلينا وحدهن أو وجد فاصل يفصلهن عن الرجال فيصفونهن فصفوفهن الأولى أفضل صفوفهن فصفوفهن الأولى أفضل. Donc c'est ça. Le cheikh explique, il dit, quand on dit que les premiers rangs, les derniers rangs des femmes sont meilleurs que les premiers, ça c'est dans les cas où les femmes prient derrière les hommes et qu'il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Mais s'il y a des, si par exemple les femmes prient toutes seules, entre elles, ou bien qu'elle prie derrière les hommes mais qu'il y a une séparation entre elle et les hommes, dans ce cas-là, les premiers rangs seront meilleurs pour elle. D'accord? Donc, le cas où les derniers rangs c'est les meilleurs et que les premiers c'est les pires pour la femme, c'est lorsqu'elle prie derrière les hommes et qu'il n'y a pas de séparation. Mais si elle prie entre elles ou si elle prie derrière, qu'il y a une séparation entre les hommes et les femmes, dans ce cas-là, c'est comme les hommes pour elle. Les premiers rangs sont les meilleurs et les derniers sont les pires. Et il dit le cheikh, وَيَدُلُّ لِفَضْلِ الصَّفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنُوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, يعني que il y a également un autre hadith qui indique le mérite des premiers rangs dans la salat, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith-là, il dit quoi? Ce hadith, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient le mérite qu'il y a dans le adhan, l'appel à la prière, il est qama, et qu'est-ce qu'il y a dans le premier rang, d'être dans le premier rang comme récompense et comme mérite, et puis qu'ils n'auraient pas d'autre choix pour être dans le premier rang que de tirer au sort, eh bien ils auraient tiré au sort pour être au premier rang. Naam. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Qawluhu thumma yaqul wa huwa qa'imun ma'al qudra Allahu Akbar la yujzi'uhu ghayraha » والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, puis ensuite, la personne qui va débuter la salat, elle dit, alors qu'elle est debout, lorsqu'elle a la capacité d'être debout, « Allahu Akbar ». Elle dit « Allahu Akbar ». Et il dit, il ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire, ta prière, tu ne peux pas la débuter ou commencer ta salat en disant autre chose que Allahu Akbar. Et il dit que la sagesse dans le fait de commencer ou d'ouvrir ta prière par le fait de dire Allahu Akbar, eh bien, c'est pour, yani, c'est comme si tu te rappelles de la grandeur de celui devant qui tu te tiens pour avoir plus d'humilité et de concentration dans ta prière. Donc, quand tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout, est plus important que tout. Donc, c'est pour montrer la grande importance et la grandeur de celui devant qui tu te tiens. Et il dit, par contre, si tu prolonges le hamza de, du nom d'Allah, donc tu dis Allah, ou bien que tu dis Allahu Akbar, ou bien que tu dis Allahu Akbar, il dit dans ce cas-là, ça ne va pas compter. Il ne faut pas prolonger le hamza. Donc il faut dire Allahu Akbar. Donc, on va lire l'explication. Qu'est-ce que dit le Cheikh Abdul Muhsin à ce sujet? Il dit « Yadkhulu al-musalli fi s-salati bi qawli Allahu Akbar wa hiya takbiratul ihram summiyat bi dhalika li'annaha aw li'annahu biha dakhala fi s-salah fa harama 'alayhi umurun kanat halalan lahu qabla dhalik » كالكلام والأكل والشرب وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. Wanzur Irwa al-Ghalil. Donc le cheikh, il dit que, premièrement, la personne donc, qui veut faire la salat, elle rentre dans la salat en disant Allahu Akbar. Et c'est ce qu'on appelle le premier takbir dans la salat, le premier Allahu Akbar. On appelle ça, yani, le fait de dire Allahu Akbar, on l'appelle takbir ou takbira. Une takbira, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc le premier takbir, on l'appelle takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Donc c'est comme si on disait que on rentre dans un état sacré en disant Allahu Akbar. Et on l'appelle comme ça justement parce que lorsqu'on rentre dans la salat en disant Allahu Akbar, eh bien il y a des choses qui deviennent haram pour nous, qui était auparavant halal. Des choses qui deviennent interdites. Une fois que tu as dit Allahu Akbar, il y a des choses qui étaient permises, qui deviennent interdites pour toi pendant la salat. Et c'est comme par exemple la parole. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un pendant que tu fais la salat. Et tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, et des choses de ce genre. C'est pour ça qu'on appelle le premier takbir, takbiratul ihram. Il dit ensuite, le cheikh, que ça c'est basé sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, et qui est authentique, et qui est rapporté par d'autres également, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil, il dit que la clé de la salat, c'est la pureté, hein, la purification. Puis, qu'est-ce qui fait que tu rentres dans la salat, hein, c'est le takbir. Et qu'est-ce qui fait que tu sors de la salat, c'est le taslim. Donc, la clé de la salat, c'est la purification. Puis, qu'est-ce qui fait que tu rentres dans la prière et que tu deviens interdit de parler ou de manger ou de boire ou de faire d'autres choses, ça c'est quand tu dis Allahu Akbar. Et qu'est-ce qui te fait sortir de la prière et qui fait qu'à la fin tu as terminé, c'est le taslim, de dire Assalamu alaikum, hein? Donc c'est ça les points. Il dit ensuite le cheikh, comme deuxième point dans cette explication-là, ou l'explication de ce point, il dit « وَيَأْتِي الْمُصَلِّي بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَ الْقُدْرَةِ وَكَذَا يُصَلِّي الْفَرْضِ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنْ صَلَّى جَالِسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لَمْ تَصِحُّ صَلَاتَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut expliquer de ce que le cheikh a dit ici, c'est que si tu pour rentrer dans la salat, tu fais le takbiratul ihram, le premier takbir, puis tu le fais alors que tu es debout. Tu dois le faire debout. Si tu es capable de te tenir debout. Et il dit que, de même que tu dois prier la prière obligatoire, la prière obligatoire, c'est obligatoire de la prier debout. Il dit que si, par exemple, tu as la capacité de prier debout, mais que tu pries assis, alors ta salat ne sera pas valable. Donc la prière obligatoire, on parle de la prière obligatoire et non pas de la prière surérogatoire ou volontaire. C'est pas le même verdict. On peut faire une prière surérogatoire assis. C'est sûr que ta prière assise, alors que tu as la capacité de prier debout dans la prière qui est surérogatoire, elle sera valable, mais elle n'aura pas la même récompense. Elle va te donner seulement la moitié de la récompense. Tandis que si c'est la prière obligatoire et que tu es capable d'être debout pour prier debout, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de prier assis. Si tu pries assis, alors ta prière ne sera pas valable. Donc ça, c'est ce que le cheikh il a expliqué ici. Et il dit que ça, c'est basé sur le hadith de Imran ibn Hussein qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie debout. Et si tu n'es pas capable, alors prie assis. Et si tu n'es pas capable, alors prie sur ton côté. Sois allongé sur ton côté. » Donc, la capacité... Si tu perds la capacité, que tu es plus capable de te tenir debout, dans ce cas-là, oui, tu es excusé. Mais sinon, si tu as la capacité et que tu ne le fais pas, ta prière ne sera pas valable dans la prière obligatoire. Ensuite, le cheikh il dit وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فَيَجُوزُ أَن يُصَلِّيهَا وَهُوَ جَالِسِ وَأَجْرُهُ عَلَى النِّسْفِ min ajr al-qa'im. Donc ils disent que la prière surérogatoire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la même chose que la prière obligatoire. Tu as le droit de la prier assis, mais ta récompense sera la moitié de la récompense lorsque tu pries debout. Donc tu auras seulement la moitié de la récompense. Et ça, c'est quand? Ça, c'est lorsque tu pries assis dans la prière surérogatoire, alors que tu as la capacité de prier debout. Donc, la prière surérogatoire, tu as le droit de la faire assis, mais si tu la fais assis, tu auras seulement la moitié de la récompense. Mais par contre, si tu pries assis parce que tu es malade, mais là, même si c'est la prière surérogatoire, tu auras la récompense complète quand même. Parce que tu as une excuse de prier assis. Le cheikh il dit وَالْأَفْضَلْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَائِمًا لِيُحَصِّلَ الْأَجْرِ كَامِلًا. Il dit c'est mieux de prier la prière surérogatoire debout, même si tu peux la faire assis, pour avoir la récompense au complet. Et non pas seulement la moitié. Et il dit les hadiths d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fi zalik. À cause du hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma à ce sujet, qui est rapporté par l'imam Muslim. Akhrajahu Muslim. Il dit wa idha lam yastati' al-marid an yusalli qa'iman فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Amr ibn al-As à ce sujet, qui est rapporté par l'imam muslim. Donc ça c'est le hadith qui dit que yani, si tu veux la récompense complète, donc, c'est-à-dire si tu pries lorsque tu pries assis là, lorsque tu pries la prière sur un rogatoire assis, tu as la récompense, la moitié de la récompense. Ensuite, il dit, si tu n'es pas capable de prier debout, parce que tu es malade, ou que tu as une blessure à une jambe, ou une douleur qui t'empêche de prier debout, dans ce cas-là, tu peux prier la prière obligatoire et la prière surérogatoire assis, sans problème. Et tu auras la récompense complète. Pourquoi ? Parce que là, tu as une excuse. Tu es malade, ou tu as une douleur, ou. Hein. Et c'est basé sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, selon Abi Moussa al-Ash'ari. Il dit que si le serviteur est malade, ou qu'il voyage, il aura, et on lui donnera la récompense pour ses œuvres. Il aura la même récompense pour ses œuvres que lorsqu'il est chez lui, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas en voyage, et lorsqu'il est en bonne santé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de maladie ou de douleur qui l'empêche de prier debout. Donc, s'il est malade et qu'il est, ou qu'il est en voyage, qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il fait quand il est en bonne santé, ou lorsqu'il est chez lui, dans son pays ou dans sa ville, il aura quand même la récompense pour les choses qu'il n'a pas pu faire comme il faut ou complètement parce qu'il a une excuse. Ensuite, il dit comme troisième point à ce sujet-là, لا يكون المصلي داخلا في صلاته إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بها وللحديث المتقدم وتحريمها التكبير فلا يجزئه أن يأتي بلفظ آخر فيه تعظيم لله مثل الله أجل أو الله أعظم وغير ذلك لعدم ورود شيء يدل عليه وكذا لا يجزئه أن يأتي بلفظ التكبير على وجه يخرجه عن معناه كأن يمد همزة الله أو أكبر أو يقول أكبر. Donc le cheikh il dit, la personne qui fait la salat, elle va pas rentrer si elle a pas fait le takbiratul ihram, elle n'est pas considérée comme étant rentrée dans sa salat encore. Il faut absolument pour rentrer dans la salat qu'elle dise Allahu Akbar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débutait sa salat toujours par Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure, wa tahrimuha at-takbir. Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans l'état sacré de la salat? C'est en disant Allahu Akbar seulement. Et pas d'autres mots pour le remplacer. Il n'y a pas d'autres expressions ou d'autres termes dans lesquels il y aurait une exaltation d'Allah qui serait équivalent ou qui pourrait être comparable. Même si c'est une parole qui exprime le respect et la grandeur d'Allah, comme par exemple de dire Allahu Ajal ou bien Allahu A'zam, tu peux pas dire Allahu A'zam, ça va pas remplacer. Ou bien tu, quelqu'un qui dirait Allahu Kabir, non, il faut dire Allahu Akbar. Et il dit, la raison pourquoi on ne peut pas le remplacer par quelque chose d'autre, c'est parce que ça n'a pas été rapporté. Ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait commencé la prière par autre chose. Et ici aussi, il explique le cheikh que tu ne peux pas non plus prononcer Allahu Akbar d'une façon qui le ferait sortir de, son, de sa signification. Comme par exemple, si tu, dis, si tu prolonges le hamza de Allah. Donc tu dis Allah, non, c'est pas correct. Parce que dans ce cas-là, ça devient une question. Allah. Donc c'est pas correct. C'est comme si c'est, tu rajoutes un mad à cet endroit-là, c'est pas permis. Ou bien Akbar, c'est pas correct non plus. Ou bien de prolonger ou de mettre un alif après le ba dans Akbar. Allahu Akbar. Il y a des gens qui disent ça des fois. Allah musta'an. Ils disent Allahu Akbar. C'est pas correct. C'est pas Allahu Akbar. C'est Allahu Akbar. C'est une fatha et non pas un alif. Et bon, la longueur des voyelles, il y a les courtes voyelles et les longues voyelles. Des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à les distinguer. Mais c'est quelque chose de très important parce que parfois, ça peut changer la signification du mot. D'accord? Non. Donc, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ici, on va lire un dernier point, puis on va s'arrêter pour le cours d'aujourd'hui, inshallah. Le cheikh il dit wa qawluhu wal akhras yani yahrumu bi qalbihi wa la yuharriku lisanahu wa kadha hukmu al qira'ati wat tasbih wa ghayrihima. Donc le cheikh il explique que la personne qui est muette, c'est-à-dire elle n'a pas le don de la parole, elle ne peut pas parler, eh bien elle fait le takbir dans son cœur et elle ne bouge pas sa langue. De même que pour le verdict de la récitation du Coran et pour le tasbih, yani pour les... pour quand tu dis subhanallah wa bihamdi et ainsi de suite. La personne qui est muette, elle le dit dans son cœur, elle le dit pas avec sa langue. Donc le cheikh il dit an-natiqu yatalaffazu bit-takbir wal-qira'a wat-tasbih wa ghayr dhalik wa la ya'ti bi shay'in min dhalika fi qalbihi dun tahrik lisanihi wa shafatayhi. لأن الكلام إنما يكون بذلك يدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية باضطراب لحيته رواه البخاري عن خباب رضي الله عنه. الشيخ dit que la personne qui parle, c'est-à-dire qui n'est pas muette, elle doit prononcer le takbir et elle doit prononcer à haute voix, ou bien si c'est la prière si la personne elle prie tout seul, la prière obligatoire, ou qu'elle est imam, elle va réciter à haute voix bien entendu, mais elle doit, si, même si elle est derrière l'imam, elle doit quand même prononcer les versets qu'elle récite, comme la Fatiha et le Tasbih, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le cheikh il dit qu'elle ne doit pas rien, elle ne doit pas dire rien de ça, uniquement dans son cœur, sans bouger sa langue et ses lèvres. Parce que c'est ainsi que, qu'est-ce qu'il dit sera réellement une parole. Et parce que, la preuve de ça, c'est que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, même dans les prières qui sont faites à voix basse, ou qui ne sont pas faites à haute voix, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait ses lèvres et qu'il récitait à cause du mouvement de sa barbe. Il voyait sa barbe bouger durant la salat. Ça, c'est rapporté dans, par l'imam al-Bukhari selon Khabbab, radiallahu anhu. Donc, il faut bien comprendre ici que quand on récite dans la salat et qu'on est derrière l'imam, on doit quand même réciter, hein, que ce soit la prière à haute voix, hein, c'est-à-dire que ce soit la prière de Maghrib ou de Fajr ou de Isha ou Asr, Dhuhr et Asr, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans toutes les prières que tu fais, que ce soit les prières où l'imam récite à haute voix ou les prières où il récite yani en lui-même, disons à voix basse pour lui-même, eh bien il faut toujours réciter avec les lèvres et la langue. C'est-à-dire que tu bouges ta langue et tes lèvres, pas seulement dans ton cœur. Bien entendu, il ne faut pas réciter à voix haute si tu n'es pas l'imam et que ce n'est pas la prière de Maghrib ou de Fajr ou de Isha. Tu ne récites pas à voix haute si tu n'es pas l'imam dans ces prières-là, ou si tu n'es pas l'imam, ou bien si tu es imam, là tu récites à haute voix. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que tu ne vas pas réciter fort pour que la personne qui est à côté de toi entende ta récitation, puis que tu la déranges, ou que tu déranges l'imam dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, malheureusement, dans la salat, quand ils prient à côté de quelqu'un, ils récitent, ils prononcent les versets avec sa langue et ses lèvres, mais ils prononcent à haute voix, hein, même si des fois c'est bas, mais pas assez, c'est assez fort pour que la personne à côté de lui entende et pour le déranger ou le déconcentrer dans sa prière. Donc il ne faut pas réciter, prononcer trop avec une voix élevée pour faire entendre la personne à côté de toi. C'est une voix, si tu dois prononcer les versets et les tasbih avec ta langue et tes lèvres, mais à voix, hein, très très très basse, que tu peux, hein, seulement toi-même tu es conscient que tu es en train de les prononcer. D'accord? À moins que tu sois l'imam. Si tu es l'imam, la récitation du Coran, tu la fais à voix basse, puis les mouvements aussi, quand tu fais le takbir, à chaque mouvement, hein, puis sami Allahu liman hamida, là tu vas à ça, tu le récites à haute voix. Mais si tu n'es pas l'imam, tu ne le dis pas à haute voix. Hein, tu fais juste le prononcer, hein, pour toi-même, sans que la personne à côté de toi puisse t'entendre, pour ne pas déranger les autres. Le cheikh il dit ensuite, أما الأخرس الذي لا ينطق فإحرامه وقراءته وتسبيحه بقلبه دون تحريك لسانه لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وتحريك اللسان بدون قراءة عبث لا فائدة فيه. Donc le cheikh il dit ça, c'est dans le cas, qu'est-ce qu'on a mentionné là juste avant, c'est dans le cas de la personne qui n'est pas muette. Toutefois la personne qui est muette, elle récite uniquement dans son cœur. Elle ne doit pas ni bouger la langue bouger ses lèvres, hein? Pourquoi? Parce qu'elle est muette, elle ne parle pas. Donc, ni dans le takbiratul ihram, ni dans la récitation du Coran, ni dans les tasbih de la salat. Elle récite que dans son cœur. Et la preuve de ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire porter à une âme, yani quelque chose qu'elle ne peut pas porter, qu'elle n'est pas capable de faire. Et il y a aussi un autre verset que le cheikh a mentionné, c'est فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, c'est-à-dire craignez Allah comme vous le pouvez. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et la personne qui est muette, eh bien, elle ne peut pas faire plus que... Hein, elle ne peut pas faire plus que ça puisqu'elle ne peut pas parler. Donc, elle ne bouge pas sa langue et elle ne bouge pas ses lèvres. Pourquoi? Parce qu'il dit de bouger sa langue sans réciter, sans pouvoir parler, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Donc, pour la personne muette, elle fait juste lire et réciter dans son cœur. Donc, on va s'arrêter ici pour le cours de Sharh Adab al-Mashi ila Salat. Puis, on continuera dimanche prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc après l'Asr, dans environ là en ce moment il est 5h, donc on prie ici à 5h30, dans 30 minutes on va prier inshallah. Donc, 15 minutes après, disons, on va commencer, donc, dans environ 45 minutes, Inch'Allah, le prochain cours, c'est l'explication de l'aqida des Raziyin, l'aqida des Raziyin, des deux Razi. Tayyib, Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.